longue comme on s'arrimare sur les starting blocks. Gare, gare, gare, là c'est du mastoc, c'est pas du ronsard, c'est de la merloc. Sera-ce la bagarre, ok, je suis à roc. J'aurai le gros cigare, en mort, les panchocs. J'ai l'air au gare, j'ai senti le choc, pour rentrer dardard dans la ligne de coq. Un nouveau départ, solide comme un roc, une pluie de dollars, ici, nous gaillons. Les à bloc, c'est l'enfant de l'art, c'est le falacoque. À moins que la star, au détour d'un bloc, et son filet car, ne découpe l'art, façon jambon du roc.